Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu, qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la Belle Église, à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. Reine Simone. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Shall we pray? Prions. Heavenly Father, we bless you and we thank you for this time in your presence. We pray that your word would have its way in our lives. Teach us to number our days, O God, that we may know how to apply wisdom. Father, we are only here for a short time. Pray that the time we spend on this earth will be meaningful. Guide us and lead us by your Spirit. Deliver us from evil. Deliver us from the spirit of Beli Yahal, the spirit of foolishness. May we not waste our days on this earth, O God, but may we serve you diligently with joy and with gladness. We praise you and we thank you. In Jesus' name, amen. You may be seated. Veuillez vous asseoir. Hallelujah. Hallelujah. Well, we want to thank God for another Wednesday. J'aimerais dire merci à Dieu pour un autre mercredi. We thank God for preserving our lives, for keeping us. Nous rendons grâce à Dieu de nous avoir préservés, de nous avoir gardés. From delivering us from evil. De nous avoir délivrés du mal. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Tonight my message will be very, very short. Ce soir mon message sera très, très court. Because when I leave, you have to go back to work. Parce que quand je pars d'ici, je dois repartir au travail. Hallelujah. Hallelujah. You want to work for the Lord? Vous voulez travailler pour le Seigneur? Praise Jesus. We Louons thank Jésus. God for every minute spent in His kingdom. Nous rendons grâce à Dieu pour toute minute passée dans son royaume. Hallelujah. Hallelujah. How many here are Christians? Combien ici sont chrétiens? How many are not Christians? Combien ne sont pas chrétiens? Okay. So everybody here is a Christian. Alors tout le monde ici est chrétien. All right, powerful. So how do you know you are a Christian? Comment est-ce que tu sais que tu es chrétien? Parce que je crois en Jésus. Je prie Jésus-Christ, je crois en Jésus-Christ. How do I know you are a Christian? Comment est-ce que tu sais que tu es chrétienne? Parce que j'ai accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Est-ce que vous l'entendez? J'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur dans ma vie. Et j'ai le Saint-Esprit et puis je suis à l'église. Parce que je crois en Jésus. Parce que je sers Dieu. Ah, can you hear her? Parce que je sers Dieu. Are you writing down the reasons? Est-ce que vous écrivez les raisons? Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus dans ma vie. Je lui ai laissé prendre le plein contrôle. No. Hello, hello. Can you hear me? Yes. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus Christ dans ma vie. Je lui ai donné le plein contrôle et maintenant j'ai décidé de vivre selon sa parole. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus, je suis né d'eau et d'esprit et je le sers. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur personnel. That's how you know you are a Christian. C'est comme ça que vous savez que vous êtes chrétien. So how do I know you are a Christian? How do I know you are a Christian? Alors comment ferais-je pour savoir que tu es chrétien? On parle en langue. That's how I know you. C'est comme ça que je sais que tu es chrétienne. Who haven't I asked? Je peux te demander. Par les fruits que je produis, par mon comportement ou bien par ma manière de vivre, je montre que je vis comme Jésus. Ok. En marchant selon la parole de Dieu. Par mon comportement et puis par ma manière de penser. How will I know ta manière de penser? Ma manière de faire les choses. de parler aux gens, d'être à l'école ou bien au travail, ça dépend. Le sacrifice qu'il a fait pour moi. C'est comme ça que moi je saurais que toi tu es chrétien. Bon, parce qu'il me garde, il me donne le souffle de vie. Il donne le souffle de vie. Ok. So far, only one person has gotten the answer right. Jusqu'à présent, une seule personne a donné la bonne réponse. Hallelujah. Instrumentalist. How can I know you are a Christian? Comment saurais-je que tu es chrétien? Parce que je sers dans la maison de Dieu. C'est parce que j'ai fait l'œuvre de Dieu. Par mon engagement dans la maison du Seigneur. Par ton engagement. That's how I will know that you are a Christian. Because of your commitment. Okay. Parce qu'il y a eu une grande transition dans ma vie. Parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur. Last response. La Bible déclare qu'on le reconnaîtra par leurs fruits. Et c'est par les fruits que je fournirai que tu vas me reconnaître. What verse is that? De quel verset s'agit-il? Hallelujah. Hallelujah. Matthieu 7, 20. Matthieu 7, 20. Matthew 7, verse 20. If you want to know somebody, si vous voulez connaître quelqu'un, you want to know who they are, vous voulez connaître qui est cette personne. It's not by what they say. C'est pas par rapport à ce que disent ces personnes. It's not by what they say. C'est pas par rapport à ce que ces personnes disent. It's not by what they do. C'est pas par rapport à ce qu'elles font. Okay. The Bible says that if you want to know somebody, you look at their fruits. La Bible dit que si tu veux connaître quelqu'un, tu regardes à ses fruits. You can tell me that you know Jesus Christ. Tu peux me dire que tu connais Jésus-Christ. I can tell you that I know Barack Obama. How do you know I'm telling the truth or I'm not telling the truth? Je peux te dire que je connais Barack Obama. Comment sauras-tu que je dis la vérité ou pas? Do you believe me? Est-ce que tu crois que je connais Barack Obama? Oli, do you believe that I know Barack Obama? Oli, est-ce que tu crois que je connais Barack Obama? Do you believe that I know J.J. Rawlings? Est-ce que tu crois que je connais J.J. Rawlings? You know J.J. Rawlings. Hi. Est-ce que tu le connais? Half your life is over. La moitié de ta vie est passée, finie. Do you believe that I know? Do you know J.J. Rawlings? Est-ce que tu connais J.J. Rawlings? Yeah. Do you believe that I know him? Est-ce que tu crois que je le connais? You believe it. Why? Because I'm saying it, right? Isn't it? Tu yeah. crois parce que je you le dis, n'est-ce pas? Me. Do you believe that I know J.J. Rawlings? Est-ce que tu crois que je okay. le connais? Well, I don't know any of them. Mais je ne connais aucun d'eux. So it's not by what I say. Alors c'est pas par rapport à ce que je dis. That I gave my life to Christ. Que j'ai donné ma vie à Christ. Or that I am committed to Christ. Ou que je suis engagé à Christ. Or I spend 20 hours a day in church. Ou que je passe 20 heures par jour à l'église. That is not how you know who I am. C'est pas comme ça que tu connaîtras qui je suis. Amen. Amen. The Bible shows us the way. La Bible nous montre la voie. The way you know who I am. Le moyen par lequel tu sauras qui je suis. By my fruits. C'est par mes fruits. That's all. C'est tout. I may say one thing. Je peux dire une chose. And then produce something totally different. Et produire quelque chose de totalement différent. Amen. Amen. And that's my message. Et ça c'est mon message. You say you are a Christian. Tu dis que tu es chrétien. What are the fruits that you produce? Quels sont les fruits que tu produis? How do I know who you say you are? Comment est-ce que je connaîtrai qui tu dis que tu es? Amen. Amen. It's not by what you say. C'est pas par rapport à ce que tu dis. It's not by the tongues that you speak. C'est pas par les langues que tu parles. Because the tongues. It's by faith that we speak the tongues. Parce que le parler en langue, c'est par la foi. How do you know what you're saying is correct? Comment sauras-tu que ce que tu dis est vrai? When they say, let's pray for authorities in the land. Quand, Shabaya, quand on dit, prions Shabaya, pour les autorités dans la Shabaya. Sur le territoire. Let's pray for the salvation of The people in India, Shabaya, Shabaya, Shabaya, Shabaya. Let's pray for confession of sins, Shabaya. Confession of péchés. How do we know that the Shabaya can cover all of these prayers? Comment connaîtrons le que c'est Shabaya qui répond à toutes ces prières? It's by faith. C'est par la foi. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? And the things we are doing by faith, it's only with time. Bible says that we shall know. Right now, we know in part. Et les choses que nous faisons par foi, par la foi, c'est juste avec le temps. La Bible dit que nous connaissons en partie. We know in part. La Bible dit que nous connaissons en partie. We don't know everything. Nous ne connaissons pas toutes choses. Est-ce que tu connais toutes choses? Know everything. Tu connais toutes choses? I don't know everything. Moi, je ne connais pas toutes choses. So what we are doing as we are serving God, it's by faith. Alors tout ce que nous faisons alors que nous servons Dieu, c'est par la foi. But the Bible tells us that if we want to know, recognize a human being or a person or a spirit or an entity or whatever, it's by their fruits. Et la Bible dit que si tu veux connaître un être humain, une entité, c'est par ses fruits. God is saying that you cannot say you are one thing and produce something else. Dieu est en train de dire que tu ne peux pas dire que tu es quelque chose et produire autre chose. What you produce shows us who you are. Ce que tu produis nous montre qui tu es. And what type of person you are. Et le genre de personne que tu es. Hallelujah. Hallelujah. It's by their fruits you will know them. C'est par leurs fruits qu'on les reconnaîtra. You will recognize a mango tree by the oranges that are on it. Tu reconnaîtras un manguier par les oranges qui sont dessus. You will recognize a mango tree by the grapes that you see on it. Tu reconnaîtras un manguier par les raisins qui sont dessus. You will recognize a mango tree by the yellow flowers that grow on it. Tu reconnaîtras un manguier par les fleurs jaunes qui sont dessus. How will you know that it's a mango tree? Comment sauras-tu que c'est un manguier? By the what? Par quoi? Yeah. By the fruits. Par les fruits. The fruits have to have a certain aspect. Les fruits doivent avoir un certain aspect. They should have a certain look. Ils doivent ressembler à Some quelque chose. Some may be big. Certains peuvent être gros. Some may be small. Certains peuvent être petits. Some may be green. Certains verts. Some yellow. Certains jaunes. Some may be very nice. Certains peuvent être très jolis. Some may have white marks and spots and insects. Certains peuvent avoir des points noirs et des insectes. Des But they are all mango trees. Mais ce sont tous des manguiers. And they are producing fruit. Qui produisent des fruits. Hallelujah. Hallelujah. So you cannot say you are one thing and what we see is something else. Tu ne peux pas dire que tu es quelque chose et ce que nous voyons c'est autre chose. Amen. Amen. You must be producing. Tu dois être en train de produire the fruits les fruits that correspond qui correspondent to who you say you are. À qui tu dis être. Amen. Amen. I will not depend on what you say. Je ne vais pas dépendre de ce que tu dis. Because Parce what que you say may be peppered with some salt. Parce que ce que tu dis peut être assaisonné de sel. Amen. Amen. You tell me you gave your life to Christ. Tu me dis que tu as donné ta vie à Christ. I believe you. Je te crois. But how can I know for sure? Mais comment le saurais-je? Except I see the fruits. À moins que je ne vois les fruits. Amen. Amen. So as Christians, we need to be concerned about the fruits we are producing. Alors en tant que chrétiens, devons nous soucier des fruits que nous produisons. Amen. Amen. If we produce a certain type of fruit, it shows what is in us. Si nous produisons un genre de fruit, ça montre ce qui est en nous. The healthier you are, the healthier your fruit. Plus tu es en bonne santé, plus tes fruits aussi seront en bonne santé. The mango tree that produces mangoes with black spots, insects and everything, it is a mango tree. Le manguier qui produit des mangues avec des points noirs et des insectes est un manguier. But it's not a healthy tree. Mais ce n'est pas un arbre en bonne santé. We have a lot of Christians. Nous avons plusieurs chrétiens who are not healthy. Qui ne sont pas en bonne santé. Who are producing fruits that nobody wants to eat. Qui produisent des fruits que personne ne veut manger. Producing, you are a mango tree, fine. Tu es un manguier, oui. But what is the benefit of your being a mango tree if nobody can eat your fruits? Mais quel est ton bénéfice en tant que manguier si personne ne peut consommer tes fruits? There's nothing worse than you look at your mango tree. Pa. Il y a rien de pire que de regarder à you ton look manguier. At the fruits on it, bah. Tu regardes les fruits dessus. Hein. And you see cobwebs, black marks, insects. Tu vois des toiles d'araignée, des points noirs, des insectes. Even though it is a mango tree. Tu n'es pas intéressé par le fruit bien que ça soit un manguier. Hallelujah. Hallelujah. And many of us Christians are producing fruits that are not edible, not attractive, not nice. Et plusieurs d'entre nous chrétiens produisons des fruits qui ne sont pas attirants. Pas Hallelujah. Beaux. Hallelujah. Amen. Amen. So it is not by what you say. Alors c'est pas par ce que tu dis. But it's by what we recognize. Mais c'est parce qu'on reconnaît ce qu'on voit. Hallelujah. Hallelujah. You shall know them. Wherefore, you shall know them by their fruits. C'est donc à leurs fruits qu'on les reconnaîtra. Hallelujah. Hallelujah. The verse is clear. Le verset est clair. Isn't it? N'est-ce pas? I don't need to explain myself any further. Je n'ai plus besoin de m'expliquer. How many Christians are there in the house? Combien de chrétiens est-ce qu'il y a dans la maison? Yeah. But the fruits. Les fruits. The fruits. Les fruits. The fruits. Les fruits. Are your fruits attractive? Est-ce que tes fruits sont attirants? Can anybody look at your fruit and say, I like this tree? Est-ce que quelqu'un peut regarder tes fruits et dire, j'aime ça? I want more of this tree. Je veux plus de cet arbre. I would like what this tree has. J'aime ce que cet arbre a. Or they look at the tree and they say, ou ils regardent l'arbre et ils font, like a useless tree. C'est comme un arbre inutile. It might as well be cut down. Il serait encore mieux qu'on le coupe. Because it's not useful. It's not serving any purpose. Parce qu'il est inutile, il ne sert à rien. Hallelujah. Hallelujah. And that's what God says he would do. The trees that when Jesus was walking with the disciples, the quand Bible Jésus marchait avec les disciples, la Bible dit he was hungry. Qu'il avait faim. And he looked and he saw a fig tree. Il a regardé, il a vu un figuier. When he got closer, he saw there were no figs on the fig tree. Et quand il s'est rapproché, il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de fruits sur le figuier. But the Bible also tells us that it wasn't the season for fruit. Et la Bible nous dit aussi que ce n'était pas la saison des fruits. But I have given you my theory on that. Mais je vous ai déjà donné ma théorie sur ça. There is a certain impression you can give. Il y a une certaine impression que tu peux donner. That you are something that you are not. Qui montre que tu es quelque chose que tu n'es pas. And as we draw closer, we realize, no. Et alors qu'on se rapproche, on se dit, non. And I believe strongly that as Jesus approached the fig tree, he said, oh, look, a fig tree, a fig tree. Je suis sûr que quand Jésus s'est rapproché, il a dit, un figuier. Il a sûrement vu quelque chose. As he approached, he said, oh, this thing is just pretending to be a fig tree. Alors quand il s'est rapproché, il a dit, oh, mais cette chose fait seulement semblant d'être un figuier. It's a useless fig tree. C'est un figuier inutile. It's a fig tree that's not serving any purpose. Un figuier qui ne sert à rien. The Bible says he cursed. Et la Bible dit qu'il l'a maudit. And when they were going back, they saw the tree was all dried up and shriveled. Et quand ils retournaient, ils ont vu le figuier qui était tout desséché. Et Pierre a dit, oh, maître, that tree that you cursed, look at it. Ce arbre que tu as maudit, regarde-le. Amen. Amen. Jesus does not have time for pretense. Jésus n'a pas le temps pour les semblants. If you say you are a Christian, bear fruit. Si tu dis que tu es chrétien, porte du fruit qui correspond. Fruit that will serve a purpose to somebody. Du fruit qui va servir à quelque chose pour quelqu'un. A mango tree cannot just say, well, me, I'm a mango. Whether you like my fruits or not, I know I'm a mango. Un manguier ne peut pas simplement dire, je suis un manguier, que tu aimes mes fruits ou pas, je suis un manguier. The purpose of a mango tree is to bear fruits that people can enjoy. L'objectif d'un manguier, c'est de porter du fruit que les gens peuvent, dont les gens peuvent bénéficier. The purpose of a Christian is to go out and reach the lost and to represent Jesus Christ. L'objectif du chrétien, c'est de sortir, gagner les âmes et représenter Jésus-Christ. You cannot just say, well, me, I'm a Christian. If you don't believe that I'm a Christian, well, that's your problem. Tu peux pas juste dire, je suis chrétien. Yeah, si no, tu I'm ne crois pas que heaven. Je suis chrétien, c'est ton problème. Moi, je sais que je vais au ciel. What use is your Christianity? Alors, à quoi sert ta chrétienté? How are you an ambassador? Comment est-ce que tu es ambassadeur? How are you representing Christ? Comment est-ce que tu représentes Christ? Christianity is the most unselfish religion that I know. La chrétienté, c'est la religion la moins égoïste que je connaisse. When you are a Christian, it's not for yourself. Quand tu es chrétien, c'est pas pour toi. Your salvation is not for yourself. Ton salvation salut, is c'est personal, pas pour toi-même. But it is not for yourself. Le salut, c'est pour toi. is personal. Le salut est personnel, mais but c'est pas it is pour... not for you personally. Mais c'est pas pour toi personnellement. Do you understand? Est-ce que vous comprenez? When you are saved, you are not saved so that you be happy in your little salvation. Quand tu es sauvé, c'est pas pour que tu sois content dans ton salut. Your little salvation. Dans ton petit salut. It is to go out and win the lost. C'est pour que tu sortes pour gagner les perdus. It is to go and preach and teach. C'est pour que tu sortes pour prêcher et enseigner. And to make disciples. Pour faire des disciples. It is to go out and be an ambassador. Pour sortir et être un ambassadeur. And to represent. Représenter. Are you listening to me? Est-ce que vous m'écoutez? So it's nice to say I'm a Christian because I speak in tongues. Alors c'est bien de dire je suis chrétien parce que je parle en langue. I'm a Christian because I gave my life to Christ. Je suis chrétien parce que j'ai donné ma vie à Christ. I'm a Christian because I'm committed to Christ. Je suis chrétien parce que je suis commis à Christ. I'm committed to the church. Je suis engagé à l'église. What are the fruits? Quels sont les fruits? And how does it benefit those around you? Et comment est-ce que les autres autour de toi peuvent en bénéficier? How does it benefit those who are not Christians? Comment est-ce que les gens qui ne sont pas chrétiens peuvent en bénéficier? Are they looking at you and wanting something that you have? Est-ce qu'ils te regardent en désirant quelque chose que tu as? Or they look at you and say, me, I'm glad I'm not a Christian. No. Ou ils te regardent et ils disent, je ne voudrais pas être chrétien. When I look at this one, quand je le regarde, look at how they are suffering. Regarde comment ils sont. Look at how they are tired. Regarde comment ils sont fatigués. Look at how they are unhappy. Regarde comment ils sont malheureux. Yeah, I'm glad I'm in my little corner. Je suis mieux dans mon petit coin. By their fruits. Par leurs fruits. By their fruits. Par leurs fruits. When we went to Guinea, quand nous sommes allés en Guinée, we saw the biggest, juiciest mangoes that we have ever seen in the whole world. Nous avons vu les mangues les plus grosses et les plus juteuses que nous ayons vues dans le monde. When you're in Ghana, you've never traveled. Quand vous êtes au Ghana et que vous n'avez jamais voyagé, you are very happy with your mangoes. Vous êtes très content de vos mangues. When you eat it, it's in your teeth and your whole body is full. Quand vous les sucez, il y a des fibres entre les dents, il y a du jus qui coule. You are happy. Vous êtes content. Because that's what you know. C'est parce que c'est ce que vous connaissez. But when you go to Guinea, mais quand vous allez en Guinée, Pascal. Pascal, the mangoes, eh? Les mangues, it's as big as her head. Sont aussi grosses que ma tête. Yeah. Oui. Yeah. And when you cut it and you eat it, nothing. Et quand vous les coupez, no, vous les nothing. Mangez, il y a rien entre in les your dents. Teeth. Y a rien entre les dents. I want the mango in Guinea. Je veux les mangues en Guinée. I even brought some of the cuttings. I don't know where they are right now. J'ai même emmené quelques semences noyaux. No, they did the shoots, they planted it, it was growing. Okay, des bourgeons. Non. Ils ont emmené, j'ai emmené quelques bourgeons. To plant. Pour planter. I don't know where they are now. Mais je ne sais pas où ils se trouvent maintenant. Somebody took it and said he was going to. Quelqu'un a pris en disant que. But immediately you saw it. Even Bishop, don't tell anybody. Even Bishop said he wanted some of the mangoes. Même so, l'évêque ne dit à personne. Il a dit qu'il voulait aussi les mangues. You understand? That's vous our comprenez. Secret. Ça, c'est notre secret. Mangoes. Les mangues. I don't think Bishop will go to somebody's house in Accra and say, I want some of this mango. Je ne crois pas que l'évêque irait dans la maison de quelqu'un à Accra en disant, je veux ces mangues. And the mangoes are by the roadside. Et les mangues sont au bord de la route. Some of them are so heavy that the bough of the tree is breaking. It's like certains trapèze. Sont tellement lourdes que les branches de l'arbre se cassent. The tree is short, so you can just do like this. L'arbre est court, donc tu peux juste faire ça. You don't need a stick, a tu stone, n'as pas besoin d'un bâton, d'un caillou, en train de lancer. Fruits that you desire. Les fruits que tu désires. Fruits that you love. Les fruits que tu aimes. Fruits that you want. Les fruits que tu veux. And fruits that you go out of your way to look for. Des fruits qui te feront sortir de ton chemin pour chercher. You are from Guinea. The mangoes I'm talking about, is it true or is it not true? Tu es de la Guinée. Les mangues dont je parle, c'est vrai ou c'est faux? Big like her head, isn't it? Aussi grosse que ma tête. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. What fruits are you producing? Ask quel your neighbor. Fruit produisez-vous? Demande à ton voisin. Cobweb mangoes or Guinea mangoes? Des mangues avec des toiles d'araignée ou des mangues de la Guinée? Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. If you produce fruits, si vous portez du fruit. It shows that if you produce good fruits, si vous produisez de bons fruits, it shows that you are in good health. Ça montre que vous êtes en bonne santé. If you produce good fruits, si vous produisez de bons fruits, it means that you are in good health. Ça signifie que vous êtes en bonne First santé. First of all, if you produce any kind of fruit at all, premièrement, si vous produisez n'importe quel genre de fruit, it shows something about you. Ça montre quelque chose vous concernant. Okay, already. Okay. Whether it's déjà. Cobwebs, whether it's insects, if there's a fruit, s'il y a des toiles d'araignée ou des insectes, s'il y a des fruits qui se font voir, we can know who you are. On peut savoir qui tu es. But we can also know that nous pouvons aussi savoir que tu n'es pas en bonne santé. Isn't it? N'est-ce pas? When a woman is ready to have children, you will know. Quand une femme est sur le point d'avoir des enfants, elle le saura. She will know because she has started producing something that will permit her to have children. Elle le saura parce qu'elle a commencé à produire quelque chose qui va l'emmener à avoir des enfants. You understand? Est-ce que vous comprenez? Oh, you don't understand. Vous ne comprenez pas. You understand or you don't understand? Vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Okay. Okay. So, by that thing she has produced, she is ready. Par cette chose qui a été produite, elle est prête. That's why when a couple marries and they're not having a child, people get worried. C'est pourquoi quand un couple se marie et ils n'ont pas d'enfants, les gens s'inquiètent. Because they believe that they have reached a stage where they should be able to produce. Parce qu'ils se disent qu'ils sont arrivés à un niveau où ils doivent être capables de produire. But they are not producing. Mais ils ne produisent pas. So then observers become worried. Alors les observateurs commencent à s'inquiéter. Isn't it? N'est-ce pas? Spiritually, it's the same thing. Spirituellement, c'est la même chose. You reach a certain stage where it is expected that you bear fruit. Tu arrives à un certain niveau où on s'attend à ce que tu portes du fruit. But we don't see the fruit. Mais on ne voit pas les fruits. Observers will be worried. Les observateurs seront inquiets. If the observer is spiritual, si l'observateur est spirituel, be worried that, you've been a Christian for 2 years. Il se dira, ah, mais tu es chrétien depuis 2 ans. Yes, that's seven great principles. There's something wrong. Et tu es encore aux 7 grands principes. Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Amen. We expect a certain type of fruit from the Christian after some time. Nous attendons à un genre de fruit venant d'un chrétien après un certain temps. Hallelujah. Hallelujah. By your fruits. Par tes fruits. What are the fruits you are bearing? Quels sont les fruits que tu portes? What are the fruits that you are bearing? Quels sont les fruits are que tu good portes? Fruits? Est-ce que ce sont de bons fruits? Or they are bad fruits? Ou de mauvais fruits? Are they healthy fruits? Est-ce qu'ils sont bien or portants? Or they are sick fruits? Ou malades? Can somebody receive the fruits that you are giving out? Est-ce que quelqu'un peut recevoir les fruits que tu fais sortir et être béni? When you bear fruit, it shows that you are mature. Quand tu portes du fruit, ça montre que tu es mature. You're no longer a child. Que tu n'es plus un enfant. The mango shoots that I brought from Guinea. Les bourgeons de mangue que j'ai ramenés de la Guinée. There's no fruit on it. Il y a pas de fruit dessus. And I'm not expecting it to have fruit. Et je ne m'attends pas à ce que ça puisse avoir des fruits. It's too young. C'est trop jeune. It's, I mean, hardly has got roots, hardly grown. It's it would be unreasonable of me. Ça a à peine des racines, ça a à peine commencé à croître. Ce serait irraisonnable venant de moi. To look for fruits. De rechercher des fruits. And to say that, look, this thing is useless. Et de dire que oh, cette chose est inutile. I will throw it away. Je vais la jeter. No. But if after two, I was told that it would take about 2 years. Il m'a été dit que ça peut prendre à peu près 2 ans. After a year, I'll start looking for certain signs. Après un an, je vais commencer à regarder certains After two signes. Years, I'll start expecting to see something. Après 2 ans, je vais m'attendre à voir quelque chose. After 2 years, I'll start looking at the tree like, ah, this tree. Après 2 ans, je vais commencer à regarder l'arbre et me dire, ce arbre-là, ça fait Maybe 2 ans. I was deceived. Peut-être que j'ai été trompée. And then my attitude towards that tree will change. Et mon attitude concernant ce arbre va changer. I will look at it. I will not look at it with the same eyes I was looking at it when I brought it from Guinea. Je ne vais pas le regarder avec les mêmes yeux que j'avais quand je l'ai ramené de la Guinée. Sometimes when the passes are a bit harder on some people, they don't like me. It's not parfois, because we don't like you. Parfois quand les pasteurs sont plus durs sur certaines personnes, ils disent oh, on ne m'aime pas. C'est pas qu'on ne vous aime pas. It's because we expect something, and I was expecting something different. We're expecting something different from you. C'est parce qu'on s'attend à quelque chose de différent venant de vous. Yeah. We are expecting something different. Nous attendons à quelque chose de différent. Sometimes when people come and tell me that, oh, this, I'll look at you like, I just look at you and then I depending on who it is, I just want to take an eraser and then erase you from the solar system, just erase. I'm like, I don't expect that from you. Parfois, quand certaines personnes viennent raconter ceci ou cela, je trouve ça bizarre. J'ai même envie de prendre une gomme et de vous effacer du système solaire. Yes, that's what I said. Oui, c'est ce que j'ai dit. It's like, I don't even know what purpose you are serving again. Je ne sais même plus à quoi tu sers. I don't understand it. Je ne comprends pas. I don't know. Je ne sais pas. It's a bit harsh, but that's how I feel. I don't do it because you are still in church. C'est un peu dur. Je ne le fais pas parce que vous êtes toujours à l'église. If I was starting to do it, you would not be in church. You. Si j'avais commencé à le faire, tu ne serais pas à l'église. You. Oui, toi. Amen. Amen. But it is normal for us to expect a certain fruit. Mais c'est normal pour nous de nous attendre à certains fruits. Amen. Amen. I'm challenging you. I believe that the Bible is taking the Bible. The Lord God is taking us through a certain phase in the French church. Je vous lance un défi. Je crois que Dieu nous emmène dans une certaine phase à l'église francophone. He's trying to sharpen us in a way. Je crois qu'il est en train d'essayer de nous aiguiser d'une certaine manière. Mold us in a certain form. Il est en train de nous donner une certaine forme. He's trying to break away some edges that do. He wants to fit you into a certain mold, and if you are not ready to be remodeled, you cannot fit into what God is doing. Il est en train de enlever certaines parties pour nous mettre dans un moule. Et si tu n'es pas prêt à rentrer dans ce moule, c'est que tu n'es pas prêt pour ce que Dieu est en train de faire. Do you understand what I'm saying? Est-ce que vous believe, comprenez? I don't crois. Know why, but I believe je strongly ne sais pas that pourquoi, mais je dis God crois. Is expecting something different from us. Je crois que Dieu attend quelque chose de différent venant de nous. Enough coming to church and sitting on the brown chair or the orange chair, or you have your spot. That's where you sit. Assez de venir à l'église pour t'asseoir sur les chaises orange ou marron et en ayant ton point, du genre c'est là où tu t'assois. And thinking that it is enough. En te disant que c'est assez. That is enough. C'est assez. I must be pleasing God. Je dois sûrement être en train de faire plaisir à, je dois être en train de faire plaisir à Dieu. Ask yourself, what fruit am I bearing? Demande-toi, quels sont les fruits que je porte? Et quel genre de fruits est-ce que je porte? Do we need to spray some insecticide on your tree? Est-ce qu'on a besoin de pulvériser un insecticide sur ton arbre? To kill all the nonsense that is coming from your fruits. Pour tuer toutes les choses bizarres qui viennent de tes fruits. How do you say nonsense? N'importe quoi, des bêtises. That is coming from the tree. Qui viennent de ton arbre. Do we need to cut off some of the branches? Est-ce qu'on a besoin de couper certaines branches? Do we need to cut the tree completely? Est-ce qu'on a besoin de couper l'arbre complètement? What sort of fruit are you bearing? Quel genre de fruit est-ce que tu portes? What are we seeing? Qu'est-ce qu'on voit? What are we seeing? Qu'est-ce qu'on voit? Hatred. La haine. Unforgiveness. Le manque de pardon. Bitterness. L'amertume. Lies. Les mensonges. Theft. When le we go vol. To the Crusades, Bishop will say, "We are all sinners. Are we not all sinners? How many sinners are there here?" Quand on va à la croisade, l'évêque dit, nous sommes tous pécheurs. Est-ce que nous ne sommes pas pécheurs? Combien de pécheurs est-ce qu'il y a ici? How many have sinned before? Okay, how combien many ont people péché? Have combien people ont déjà péché? How many people have sinned before? Okay, combien de personnes ont déjà péché? How many people have ever told a lie? Combien de personnes ont déjà menti? Okay, put your hands up. Okay, faites descendre. How many people have told more than 100 lies since you were born? Combien de personnes ont déjà dit 100 mensonges depuis que vous êtes né? Why is your hand like this? It should be like this. Pourquoi est-ce que ta main est comme ça? Elle devrait être Do you want ça. Me to call your name? Tu voudrais que je t'appelle? I want to see your hand. J'aimerais voir ta main. Jacques, is there a problem with your arm? Jacques, y a-t-il un problème avec ton bras? More than 100 lies. Plus de 100 mensonges. Put your hands down. So what does it mean? Qu'est-ce que ça signifie? It means that you're all lies. Que nous sommes tous menteurs. Yeah. How many have ever stolen before? Combien ont déjà volé? Put your hands up, put your hands up, put your hands up. You have never stolen. How many have ever taken chicken from your stew, mother's stew before? Combien ont déjà pris de la viande dans la sauce de leur maman? You have never taken chicken from your mother's stew before? Tu n'as jamais pris de la viande dans la sauce de ta mère? You have never stolen chicken from your mother's stew before? Tu n'as jamais volé du poulet dans la sauce de ta mère? Never taken toffee from the pot before? Tu n'as jamais pris de la viande dans la marmite. What does it make us? Qu'est-ce que ça fait de nous, des voleurs? We are thieves. Nous sommes des voleurs. We are liars and thieves. Nous sommes des menteurs et des voleurs. Yeah. How many of us have ever committed fornication before? Combien d'entre nous ont déjà commis la fornication? Why you don't want to answer? Oh, vous ne voulez pas répondre. When we go on the crusade, you know what Bishop does? You say, pastors, how many come? Quand on va à la croisade, l'évêque dit, pasteur, combien d'entre vous? And the pastors have to raise. You see them like. Et les pasteurs doivent lever la main. He said, hey, pastors, I cannot. Dit, hey, les pasteurs. And the people are happy. You see their. Les gens sont contents. Vous voyez leur visage. The Bible says that if you even look at a woman. La Bible dit que si tu regardes même seulement une femme, to lust after her, et tu la convoites, it's already a sin. C'est déjà un péché. So even if you've not had the sexual act, alors si tu n'as peut-être pas posé l'acte sexuel, by all means, dans tous les cas, unless there's something wrong with you, à moins qu'il y ait quelque chose d'anormal te concernant, that you've not ever seen a woman that you say ouch, que tu n'as jamais vu une femme et tu as dit ouch, ouch, ouch. Hallelujah. Amen. So we are all sinners. Alors nous sommes tous pécheurs. We all fall short. Nous avons tous été privés. But the truth is that God is still expecting something from us. La vérité c'est que Dieu s'attend toujours à quelque chose venant de nous. He's expecting a certain quality of fruit. Il attend une certaine qualité de fruit. To come from our lives. Qui doit venir de nos vies. Amen. Amen. Fruits of love. Les fruits de l'amour, peace. La paix. Bible says, if it is possible, live at peace with all men. La Bible dit que si cela ne dépend que de vous, soyez en paix avec tout le monde. All men. Tous les hommes. He didn't say with the men who are at peace with you, if it is possible, be at peace. Il n'a pas dit seulement avec les hommes qui sont en paix avec toi. Il a dit si c'est possible, soyez en paix. It means that you, as an individual, must do everything you can. Ça veut dire que toi, en tant qu'individu, tu dois faire tout ce qui est en ton pouvoir. To be at peace, not to be quarreling, not to be angry, not to be fighting with pour people. Pour être en paix, pas en train de quereller, en train de lutter avec les gens. The person might want to quarrel with you, but you, as far as you are concerned, I don't have a problem with you. La personne voudrait peut-être se quereller avec toi, mais en ce qui te concerne, tu n'as pas de problème avec you la say, personne. Say, but they are treating you badly. At least defend yourself, fend for yourself. Et on dit, oh, mais toi, on te traite mal. Défends-toi, lutte. Searching for peace. Tu dis, oh, moi je cherche la paix. Amen. Amen. By your fruits. Par tes fruits. Eli, what are the fruits you are bearing? Eli, quels sont les fruits que tu portes? What are the fruits? Quels sont les fruits? What are the fruits? Quels sont les fruits? The fruits of quarreling. Ce sont les fruits des querelles. When you go to your house, they say you've been fighting, so you've broken your glasses. What happened? You quand were on va chez fight. Toi, on dit que tu as l'habitude de te battre, alors tu as cassé tes lunettes. And you say, oh, Eli. Why? Disons, oh, Eli, pourquoi? You say, oh, what happened to your eye? Hey, it was my neighbor. He was trying to. On dit, oh, qu'est-ce qui t'est arrivé à l'œil? Tu dis, hein, c'était mon voisin. Il essayait de. Why? Pourquoi? What fruits are you bearing? Quel genre de fruits est-ce que tu portes? What fruits are you bearing? Quel genre de fruits est-ce que tu portes? What fruits? Quels fruits? Fruits that are attractive. Des fruits attirants. Fruits that are tasty. Des fruits délicieux. Kind of fruits. Quel genre de fruits? Or the kind of fruit that when they look, say, mm. Genre de fruits quand on regarde on fait mm. No. This no, no, to no, give no. me diarrhea. I don't want. Ça va me donner la diarrhée, je ne veux pas. Yeah. Hallelujah. Hallelujah. You shall know them by their fruits. C'est à leurs fruits. C'est à vos fruits. It's by our fruits that par nos fruits qu'on nous connaîtra. The words that come out of our mouth. Les paroles qui sortent de ma bouche. Somebody said behavior, yes. Quelqu'un a dit le comportement, oui. You can't say one thing and do something else. Je ne peux pas dire quelque chose et faire une autre. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. We need to remember that we are God's representatives. Nous devons nous rappeler que nous sommes des représentants de Dieu. We are His, we are a manifestation of Christ. Nous sommes la manifestation de Christ. Can people look at us and be attracted to Christ? Est-ce que les gens peuvent nous regarder et être attirés par Christ? Or when they look at us, they don't want to know. They don't even. They, It's okay. Ou quand ils nous regardent, ils ne veulent même pas, ça va. Hallelujah. Hallelujah. May the Lord help us. Que Dieu nous aide. To bear fruits. À porter du fruit. That are suitable and convenient. Des fruits à appropriés. Amen. Amen. May God help us. Que Dieu nous aide. May God help us. Que Dieu nous aide. Some of us we need fertilizer. Certains d'entre nous, nous avons besoin d'engrais. Some of us we need insecticide. Certains ont besoin d'insecticides. Some of us we need a cutting here and a cutting there. Certains ont besoin d'être coupés ici et là. Some of us we just need the rain from above. Certains ont juste besoin de la pluie d'en haut. Hallelujah. Hallelujah. But we need to be open. Mais nous avons to besoin allow God d'être ouvert to afin do de what permettre he à, can permettre do à what Dieu he wants to do. De faire ce qu'il veut faire et ce qu'il Because peut faire. At the end, the result he wants is that you bear good fruit. Parce qu'à la fin, le résultat qu'il veut, c'est que tu portes du bon fruit. Amen. Amen. God wants you to bear good fruit. Dieu veut que tu portes And du God bon fruit. Is ready to do his part. Et Dieu est prêt à faire sa part. What about you? Qu'en est-il de toi? Are you ready to accept what God has in store for you? Es-tu prêt à accepter ce que Dieu a pour toi? Are you ready to accept the word when it comes? Es-tu prêt à accepter la parole quand elle vient? Or when it comes, you just close your ears. Ou quand elle vient, tu fermes tout simplement tes oreilles. When she finishes, we'll go home. Et quand elle finit, on va aller à la maison. Or you are ready to receive. Ou tu es prêt à recevoir. What God needs to do. Ce que Dieu veut faire. When you hear the word of God, do not harden your heart. Quand tu entends la parole de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Hallelujah. Hallelujah. Because God, the only thing God wants for you is the best. The only thing God wants for you is the best. Parce que la seule chose que Dieu veut pour toi, c'est le meilleur. The Bible says that the plans that he has for you. La Bible dit que les plans qu'il a pour nous beautiful. Sont beaux. Beautiful. Beau. You cannot imagine. Tu ne peux pas imaginer. Eye has not seen, ear has not heard. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. The things God les choses que Dieu a pour nous. For us. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Just open your heart. Juste ouvre ton cœur. And receive. Et reçois. The chastisement. Le châtiment. The blessing. Les bénédictions. The good with the bad. Le bon et le mauvais. Accept that God is doing something in your life. Accepte que Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Tell yourself, I want to bear good fruit. Dis-toi, je veux porter du bon fruit. I want my fruit to abide. Je veux que mon fruit demeure. I want God to be pleased with the fruit that I bear. Je veux que Dieu soit satisfait du fruit que je porte. Hallelujah. Hallelujah. And I believe that as we open our hearts to the word of God. Et je crois qu'alors que nous ouvrons nos cœurs à la parole de Dieu. And as we open our hearts to receive what God has in store for us. Et alors que nous ouvrons nos cœurs pour recevoir ce que Dieu a pour nous, we will be transformed. Nous serons transformés. To be more like him. Pour devenir de mieux plus comme lui. Hallelujah. Hallelujah. God is doing a new thing. Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Let us be open. Soyons ouverts. Let us be humble. Soyons humbles. So that he can do what he wants to do. Afin qu'il fasse ce qu'il veut faire dans nos vies. In the name of Au Jesus. Nom de Jésus. Please stand to your feet. Levez-vous s'il vous plaît. Hallelujah. Amen. I want us to just open our mouths and speak to the Lord. J'aimerais tout simplement qu'on ouvre nos bouches et qu'on parle au Seigneur. Say to God that you want to bear fruit. Dis au Seigneur que tu veux porter du fruit. You want to show that you are a good tree. Tu veux montrer que tu es un bon arbre. That you are a healthy tree. Tu es un arbre en bonne santé. You want to speak to God tonight. Tu veux parler à Dieu ce soir. And just say, God, whatever you need to do, Lord. Juste dis, Seigneur, ce que tu veux faire. Do it in me. Fais-le en moi. Yes, Father, I want to be a vessel you can use. Seigneur, je veux être un vase que tu veux utiliser. Whatever you need to do, Lord, do it in me. Tout ce que tu veux faire, Seigneur, fais-le en moi. Mold me, break me, use me, oh God. Seigneur, brise-moi, utilise-moi. That I may be a vessel that you can use. Afin que je sois un vase. Yes, oui. Father, I thank you. Seigneur, je te rends grâce. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. If you can use anything, Lord, you can use me. Si tu peux utiliser quoi que ce If soit, utilise-moi. Use anything, Lord, you can use me. Et même si je ne suis rien, Seigneur, utilise-moi. Mold me, Lord. Façonne-moi, Break me, Lord. Seigneur. Brise-moi, Seigneur. Transform me into the vessel. Transforme-moi. That you want me to be. Afin que je sois le vase que tu veux que je sois. Thank you, Jesus. Merci, Thank Jésus. You, Jesus. Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Bless you, Lord. Seigneur. Father, I thank you for this time. Thank you for your children. Thank you, Father, for the works that you have started in our lives. Help us, O God, to be more like you. Deliver us from the evil spirit of pride. Deliver us from evil intentions and evil thoughts. Father, help us to receive your word with all humility, that we may become that which you want us to become. Father, we receive every instruction, every chastisement, everything that you have in store for us, O God, that we may bear good fruit. Father, we want to be ambassadors for you. We want to be good representatives for you, O God. Deliver us from evil. Deliver us from false impressions of ourselves. And may we open our eyes, O God, to see ourselves as you see us. Thank you for this word. Thank you for your grace, the grace to be a servant, the grace to be a child. We bless you and we thank you. In Jesus' name, amen. If you are here tonight, si tu es ici ce soir, and you don't know Jesus as your Lord and Savior, et tu ne connais pas Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, you want to give your life to Christ tonight, tu veux donner ta vie à Christ ce soir, I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. If you are here, si tu es ici, you don't know if you go to heaven or hell when you die, tu ne sais pas si tu iras au ciel ou en enfer quand I tu mourras, I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. You want to say, Lady Pastor, I want to confess, tu veux dire, Lady Pastor, je veux confesser, that I'm a sinner, que je suis pécheur, I recognize that I'm a sinner, je reconnais que je suis pécheur, and I want to go to heaven when I die, et j'aimerais aller au ciel quand je mourrai. I believe in God, je crois en Dieu, I believe in Jesus Christ, je crois en Jésus Christ, I want my name to be written in the book of life, j'aimerais que mon nom soit écrit dans le livre de vie. Pray for me. Prie pour moi. If you are here like that, please lift up your hand. Si tu es ici comme ça, s'il te plaît, lève ta main. I want to pray for you. J'aimerais prier pour toi. You want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. You want to give your life to Jesus. Tu veux donner ta vie à Jésus. You want to be born again. Tu veux être né de nouveau. Just lift up your right hand. Juste lève ta main droite. And let us pray. Et nous allons prier. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Father, in the name of Jesus, I bless you and I thank you. For these wonderful children, I thank you, Father, for a humble heart. I pray that you deliver them from all wickedness and all unrighteousness. Deliver us, O God, from a spirit of deception. May we see ourselves, O God, as you see us. May we see ourselves, O God, in the light of your word. And Lord, may we be transformed as we sit at your throne. And as we humble ourselves before your word daily, Father, we thank you. Thank you for the privilege of knowing you. Thank you for the privilege of serving you. We pray in Jesus' name. Amen. Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Visitez-nous sur Facebook, LCI, La Belle Église, pour plus de messages. Soyez bénis.